ça. Le frère du tiers monde s'accroche à la file. Ici ses futurs rappeurs dansent et mangent pour lui. T'es mal placé pour nous dire que le rap est une industrie. Laisse ces propos là aux gars qui laissent leurs œuvres gratuits sur un P3. Ça me saoule le combat pour le rap et son intégrité. D'une, parce que cette cycle n'est pas inventée. Et puis j'estime qu'il y a des luttes plus importantes à mener. Tu te rappelles Mounia, Emmaüs et France Tibé. Mounia, Emmaüs et France Tibé. Mounia, Emmaüs et France Tibé. Mounia, Emmaüs et France Tibé. Pourrait-on espérer d'une jeunesse qui a pour idole Snoop Doggy Dogg dans sa nation, quand sa rap est mise à l'avant par les institutions. Propagande indirecte de l'autodestruction, visant à éliminer les passes couches de la population. Voilà pourquoi ils étouffent les propos d'MC, tels que KRS-One et Chuck D. Ici en France, le rap est aussi récupéré par le parti politique nazi. Musique a de l'influence sur la jeunesse d'aujourd'hui, outil non négligeable pour promouvoir leurs idéologies. Alors pendant que tu dormais, dans tes clips étaient couplés, l'ennemi lui n'a jamais cessé de s'organiser. On fait des hip hop, on fait des hip et des hop, on fait des hip hop, on fait des hip et des hop, on fait des hip hop, on fait des hip et des hop, on fait des hip hop. Style musical hors du commun de nos espoirs, il serre la main, on ne sait pas où l'on va. Mais sur ces traces avance nos pas, je suis ces gamins mélomanes, un petit pop, ça y est, je plane, ne nous dites pas qu'on n'y est pas. On chante, on danse et on y croit. Ne condamnez pas un mouvement, c'est une culture exactement. Le beatbox, le DJ, la danse, le graff et le peura. Partie des minorités, c'est notre vision qu'on exprime là. Tu peux toujours nous arrêter, ce que l'on vit ne s'effacera pas. On marche, parle et pense comme tout le monde. Ce qu'on essaie peut-être de faire, c'est de penser les mots de ce monde. Clash, crash sur celui qui se dit monsieur tout le monde. Aujourd'hui la culture française c'est bien le hip-hop qui l'innove. Haute intelligence prioritaire, haute opinion protestataire. Fini nous la mettre à l'envers, c'est pas à nous que tu peux la faire. Madame musique nous ouvre les bras, aime ce hip-hop plus haut de ses bas. Du haut de nos blocs de béton, le hip-hop vibre et ça c'est bon. Démarche nonchalante, pour une ambiance plus que charmante. Ce son est dédié au hip-hop, culture de vie, culture croyante, culture de rêve. Parfois cauchemardesque, visage crédible, de vie rocambolesque. Sainte dédicace aux passionnés d'hip-hop, graffeurs, danseurs, chanteurs et même pour le beatbox. DGH pour le côté DJ. Vas-y DJ, fais briller le beatnik. On fait des hip-hop, on fait des hip et des hop. On fait des hip-hop, on fait des hip et des hop. On fait des hip-hop, on fait des hip et des hop. On fait des hip-hop. L'été arrive, il sera long. Le beat arrive, il sera bon. L'instrumental se lève et m'apporte la solution. Les cours s'achèvent, on traîne notre adolescence. À nos baskets collent des désirs de jouissance. L'asphalte luisante s'étire comme de la guimauve. Sauf qui peut, à qui crier notre besoin d'existence. Loin dans nos quartiers, j'ai l'impression que tout se passe ailleurs. On tourne en rond au travers des cubes sans ascenseur. La canicule assèche, craquait la terre de nos blessures. Sointent les chagrins entre les pièces de notre armure. Ça sent la lassitude, l'embrouille, l'hormone et le vice. Se décharger sans finir dans les mains de la justice. Une mélodie sur cassette, mon amertume s'est cassée. Des lyrics dans ma tête, mon armature est soudée à mon corps. Reliant mon cœur à mon âme, s'envoie jusque là. Mes états d'âme s'expriment en acapé, la bam. Sur des faces B, je rappe, j'éclate tout l'abécédaire. Abaisse les tensions et transcende la misère. Oxygène, cette pulsation dans mes veines. Oxygène, cette vibration dans ma chaîne. On fait du hip-hop, on fait des hip et des hop. Quand j'allume ma club, les prods sont au top.